En Corée, les maisons de convalescence pour vétérans de guerre sont construites dans la ville de Sallyeon, de la province du Fangye du Nord, et à Songgang, de la province du Jagang. Avec des salles de soins et d'autres installations de services publics, elles contribuent efficacement à l'amélioration de la santé des anciens militaires qui ont participé à la guerre de libération de la patrie.